Je pense à Pierrot au bord de la lune, sur son lampadaire, il pleure sa brune. Toi qui vois le monde depuis ton orbite, toi qui vagabonde sur ton satellite, sur la face cachée de ton astre mort, quand on est couché, pendant que l'on dort, Pierrot, mon ami, est-ce que tu dessines le visage endormi de ta colombine? Sur la poussière grise, tu fais son portrait, les traits se précisent, c'est elle pour de vrai. Où est cette ballerine? Où est-elle passée? Où est cette coquine? Tu es tout cassé. Mon pauvre Pierrot, toutes les colombines à cheval en métro, un jour se débine. Elle quitte la terre, elle quitte la lune. J'en ferai pas un mystère, et tout j'en avais une. Elle me laissa pour un drôle d'arlequin. J'ai souffert aussi, j'en ai même pleuré. Puis vint l'éclaircie d'un rayon doré, chaud comme du pain quand il sort du four. C'est notre vieux copain, c'est l'astre du jour qui nous embobine. Et puis nous ramène une colombine azuréenne. Vint l'heure du réveil, avais-tu rêvé? C'était le soleil qui s'était levé. Pierrot, sèche tes yeux, elle vient te chercher. Pierrot, dis adieu à ta face cachée. Toutes les colombines pour les braves Pierrot, comme des coquines à cheval en métro, reviennent sur la terre pour un pas de deux, danseuses légères.